327, observation, infinitive. Nous allons apprendre le français. Nous allons inventer une histoire. Nous allons choisir deux jeunes gens. Ils vont avoir des amis. Apprendre, inventer, choisir and avoir are verbs in the infinitive. All French infinitives end in one of the following. R-E, E-R, I-R, or O-I-R.